طيب بسم الله الرحمن الرحيم. Donc on avait terminé ce qui concerne le Nart. Donc le Khulasa c'est que le Nart, ce qu'on appelle le Sifa, il suit le Man'out dans toute situation, c'est-à-dire s'il est masculin, il sera comme lui, s'il est féminin, il sera comme lui, s'il est Ma'alifa, il sera comme lui, ou Nakira, ou pluriel, et singulier, ainsi de suite. Et il prendra aussi la même harakat que lui. Ma'afou, ma'afou, mansoub, mansoub, majuro, majuro. On a pris aussi Ism Mawsoul, le Muzakkar, le Mufrad, Al-Ladhi. Vous voyez, Al-Ladhi. Il m'a dit que Al-Ladhi, ça voulait dire qui ou celui. Qui ou celui. Hein? Il m'a dit ça veut dire qui ou celui. Par exemple, Hadha al-waladu Al-Ladhi fil bayt wa al-fam. Al-Ladhi fil bayt, par exemple. Ahouk. De quoi? On l'a vu sur le tableau. On l'a vu sur le tableau, il l'a vu. Non. Très bien. Bon, on a trouvé le fidèle, elle a arraché. Très bien. Dans sa arraché, le cours, la dixième leçon, elle concerne le damir. Elle concerne le damir. On a déjà vu un petit peu certains Dhamma'ir. On a vu Ana, on a vu Hua, on a vu Hiya, et peut-être Anta. Avant de commencer, il faut savoir que le Dhamir, en ce qui concerne son apparence, sa position, il est à la Qismain. Il est de deux catégories. Vous voyez ? En ce qui concerne Nam. Al-Damir ala Kismain, c'est-à-dire de deux catégories. Ala Kismain. En premier, Al-Damir Al-Munfasil. Al-Damir Al-Munfasil. C'est celui qui est détaché. C'est celui qu'on a déjà pris depuis le début. Ana, Anta, Hua, Hiya. Il est tout seul, il est isolé. C'est le premier. Le deuxième, Al-Damir Al-Muttasil, celui qui est attaché. Al-Muttasil. Al-Damiru Al-Muttasiru. Et celui-là en général, il va être Mudafilehi, il va être Mafoulbihi, il s'accroche au verbe ou à un mot. Mafen Muttasil, attaché. Et là c'est détaché. C'est le contraire en fait. Tu vois, c'est le contraire. Par exemple, Damir al-Munfasil, Hua Muhammad. Tayyib, Hua, c'est un Damir Munfasil. Il est tout seul. Et le Muttasil, Mathalan, Kitabuhu, son livre à lui. Mathalan. Tayyib, Kitabuhu. Fala le Hu, à la fin, c'est un Damir Muttasil. Il est attaché à Kitab. Tayyib, il est attaché à Kitab, qui revient à, ou à la fin, à Muhammad, par exemple. Vous voyez, donc par rapport à son apparence, à son écriture, il est de deux catégories. Maintenant, par rapport à son sens, vous voyez, à son sens, il est de trois catégories. C'est le tableau aussi, hein? Non. Wa alaykoum salam. Al-Mutakallim. الغائب المخاطب. المخاطب وعليكم. طيب donc regarde, el mutakallim c'est celui qui parle de lui-même, طيب, ou d'un groupe dans lequel il est, ça va être ou ana, طيب, donc ça c'est el muttasil singulier, ça va être ana. Ana, je, moi. طيب, ça c'est le munfasil pour le singulier. Le mufrad, le pluriel jam, ça va être nahnu. Mais on va venir après. Pour l'instant, on s'occupe de cela. On s'occupe juste du singulier. Donc ça, c'est mutakallim. Voyez, ana Mohamed, ana kaza, ana kaza. Donc le munfasil, il est isolé tout seul. Il ne s'accroche à rien du tout. Il vient tout seul. Ana. Après le ghaib, celui de qui on parle. Voyez, celui de qui on parle. Et au fait, ana, il est mutlaq, il est mixte. La femme dit « Anna » et Rajoul dit « Anna ». Bien qu'ici, vous entendez des gens dire « Annie ». La femme va dire « Annie ». Vous allez l'entendre. Hein ? Ouais, même dans les pays arabes, des fois. Mais celle de mes âges, j'en ai jamais entendu parler, Annie. Tu vois ? Là, il y a quoi, là ? Où ça ? Mutakallim. Mutakallim. Ah, d'accord. Mutakallim. Alors, en fait, c'est celui qui parle. Ta, kaf, lam, mim, mutakallim. Donc on dit ana. Voyez. Et ce demi-ala est celui qui a causé la perte d'Iblis. N'entend-la, elle dit. Ana khaylum minhu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Je suis, je, moi, tu vois. L'irdiab, l'égocentrisme. Donc attention à ce demi-ala. Voyez. Faut bien l'employer. Et souvent, je vois les ulama. Il vous dit Nahnu. La femme chère dit Nahnu. Nara. Samiana. Nakullakum. Balarana. Il dit pas Anna. À part quand il parle d'un truc charsi qui concerne sa personne à lui, mais dès qu'il parle au nom de la Darwa ou quoi, il dit Nahnu. Tu vois, les ulama souvent ils parlent comme ça. Nahnu. Nara kada, nara kada. Mais le but c'est que la parole revienne genre à son avis à lui, basé par exemple sur des preuves. طيب الغائب الغائب المفرد المذكر singulier masculin c'est لا غائب celui de qui on parle هو احسنتم هو ça c'est le masculin طيب هو et le féminin on avait dit que c'est quoi هي donc هو محمد C'est Mohammed, il est Mohammed. Wa hiya Fatima. Elle est Fatima, c'est Fatima. Voyez. Al-Mukhatab, c'est l'interlocuteur, celui à qui tu parles. Voyez. Donc ça va être quoi? Anta. Anta. Anta. Anta. Pour le Moudakar. Le poulet, on le prendra après. Là, aujourd'hui, on prend que les. Je laisse pas place, on fait que les singuliers. On fait que les singuliers, Inch'Allah. Les poulets, ils vont venir après, non. Donc, Anta, c'est toi, tu. Voyez, masculin. Et le féminin, le mouannas, c'est Anti. Voyez. Anti. Donc, celui qui parle à sa femme, à sa soeur, à sa mère, en arabe, il lui dit Anti, il ne dit pas Anta. Voyez. Anti kaza, anti kaza, et c'est un rajoul, il dit anta kaza, anta kaza, anta kaza. Toi, tu. Donc ça, ça concerne le munfasil, celui qui est isolé, détaché. Voyez. Maintenant, le mot damir, muttasil. On va le prendre avec le mot kitab. On va l'attacher au mot kitab. Comment tu veux dire un livre qui est à moi? Mon livre. Hein? Tu dis Kitabi. Donc en fait c'est Kitab. Donc on rejette quoi? Ce qu'on appelle Ya al-Mutakallim. Et c'est un damir muttasil. Il est attaché, il ne vient jamais tout seul. Donc tu dis Kitabi. Et mon livre. Kitabi. Wa alaykum salam. Voyez? Wa alaykum salam. Et il s'appelle Ya al-Mutakallim. Ça y est, Kitabi. Et c'est un damir, c'est un nom. Ce ya là, c'est un nom. Ça y est, c'est un nom. Kitab, c'est un nom. Et ya, c'est un nom, c'est un autre nom. Ça y est, El Ghaib, comme on va dire, pour le Muzakkar Mufrad, comme on va dire, son livre. Kitabuhu. Arsent. Naam. Kitabuhu. Akaza. طيب ça c'est pour مذكر مفرد المؤنث مفرد وما جاء قبله كتابها كتابها كتابها donc ça se concerne le غائب maintenant المخاطب ton livre comment dire ton livre كتابك نعم avec le كيف Kitabuka. Et le mouannas, ton livre à toi, en disant ça à une femme, ça va être Kitabuki. Kitabuki. Regardez, en dehors du domir Yamutakallim, tous les autres. Les harakat à la fin du mot, elles apparaissent. Si le mot est marfour, tu vas dire kitabuhu. Si il est majrur, tu vas dire kitabihi. Et si il est mansour, tu vas dire kitabahu. Avec le yamutakalim, il reste tout le temps avec une kasra devant. Kitabi, qalami, bayti, mudarrisi, tayyib, baladi. Là, tu ne dis pas, basalan, beladoui, ou beladawi. Là, tout le temps, c'est une kasra devant le yamutakalim. Tout le temps. Et ça viendra après, comment savoir. Comment définir la harakat qui n'est pas qu'on ne peut pas voir. Un autre tambih, là, dans ces mots-là, dans le damir, el muttasil, en fait, on a un mudaf et un mudaf ilay. Kitab, mudaf. Hu, c'est un damir, c'est un mudaf ilay. Kitabu, c'est comme Rasulullah. Le messager d'Allah. Son livre, c'est une appartenance, une annexion. C'est la même chose. Voyez, le damir muttasil avec les noms, c'est un mudaf ilay. Kitabuha, kitabu mudaf, waha mudaf ilay. Kitabuka, kitabu mudaf, walkef mudaf ilay. Kitabuki, neuf sachets. Voyez, sauf que les damair, ce sont des noms qui sont mebniya, c'est-à-dire la fin ne change jamais. Comme tu disais, un variable, toi. Et ça, on apprendra après. C'est des noms, la fin a changé. Il n'y a pas de kasra pour le jar. Il n'est pas majrur en apparence. Ça ne se verra pas. Vous voyez? Ça, c'est un autre verbe. On ne dit pas qu'il s'habille. Si, mais la kasra, ce n'est pas par rapport au jar. Dans hi, ce n'est pas par rapport au jar qu'on dit hi. C'est juste parce que, pour que ça convienne avec la kasra qui est avant. Tu vois? Mais sinon, le hu, à la base, c'est une damba tout le temps. Juste là, c'est pour la prononciation. Tu vois, c'est une règle de pour la prononciation. Comme min al bayt, tu vois, c'est le mouna saba, c'est pour que ça corresponde. Mais sinon, la kasra, elle n'est pas du jar. Et des fois, l'âme se doit mieux défendre une kasra dans certains cas. Quand il est précédé par un ya ou une kasra, il devient lui-même maksour, mais pas par rapport au jar. Juste pour qu'il soit facile à prononcer. Allez. Comme cela, alayhi fihi, comme cela va venir, inshallah, l'âme. Ma bah, fumala, ça y est, on va lire le dert. Ashti. Ta. La. La. Ashtu da hada. La tarbiha fil jidar. Tabi le kitab. Naam. طيب ونا حامد ومحمد عبد القادر تي حامد محمد تي محمد. طيب تفضل. من انت؟ من انت؟ انا طالب بالجامعه. العقدي لا بي سي حرف جر. طيب il a plein de sens. طيب et là dans cette phrase là انا طالب بالجامعه لا بي veut dire si comme دار الحديث بالدماج فديار الحديث في دماج. Là, le bi veut dire fi. Vous voyez, il veut dire fi. Mais sinon, il a beaucoup d'autres sens. Là, tabod, il dit onak. T'as vu? Il attend que je sois détourné et il recule pour faire un mesure comme ça. Jusqu'au moment où il va être là-bas. Ma'ana bi ghafil amma ta'amal. Ta'alouna. Il dit onak. Donc, la bi, c'est harf jar. Donc, c'est bil jami'ati. نعم. أأنت طالب جديد؟ نعم أنا طالب جديد. من أين أنت؟ من الهند. ما اسمك؟ donc là on arrive au شاهد الدرس. أو au fil de notre début أنا من الهند أأنت طالب أنا طالب من أنت. tout cela c'est ce qu'on appelle le شاهد dans le درس c'est le damir. c'est ça le but du درس. نعم. après je retraduirai le درس إن شاء الله. اسمي احمد. لا هذاك احمد انت؟ ما محمد. ومن هذا ال... فتى سي جون غارفون. ومن هذا الفتى ومن هذا الفتى الذي معك؟ معك c'est-à-dire avec toi. طيب ça va venir معا dans le درس. Zamil, c'est camarade. C'est plus, c'est pas comme ami. Camarade, comme ceux qui sont à l'école. C'est pas forcément ami, ils sont forcément allés dans la classe, tu vois. Ou ça peut être collègue aussi de travail. Zamil, ça peut être un collègue de travail. Urdiya, c'est la langue indienne. Naam. Wa alaykoum assalam. Wa Hamza, ma lughatu? Lughatu al-yabaniyyatu wa hiya lughatu as-sa'abatu. Ayna abuka ya Muhammad? Abi fil fil Kuwait. هو طبيب شهير. مجرد في الأقوى شهير. سلام. نعم. نعم. وأين أمك؟ هي أيضا في الكويت مع أبي وهي مدرسة هناك. أذهبت إلى الكويت يا محمد؟ نعم نعم. ذهبت. نعم. وزميلك أين أبوه؟ أبوه في الجبال هو تاجر كبير. ألك أخ يا محمد؟ نعم لي أخ واحد اسمه أسامة وهي معي هنا في المدينة المنورة ولي أخت واحدة اسمها زينب وهي في العراق مع زوجها. عندك سيارة؟ لا يا أخي. يا أخي لا ما عندي سيارة. عندي دراجة. حمزة عنده سيارة. On avait dit quoi? عنده c'était quoi? عنده un ظرف. Un ظرف lequel qui veut dire chez. Mais là ça traduirait par avoir. عندك كذا c'est plutôt est-ce que chez toi il y a une voiture dans le sens est-ce que tu as une voiture qui t'appartient. Donc là ça traduirait par est-ce que tu as une voiture. Ça y est, on va traduire le texte. Donc Hamid il dit man anta, qui es-tu. Mohamed yakul ana talibun bil jami'a, je suis un élève dans ou de l'université. Hamidun yakul, anta talibun jadidun, es-tu un nouvel étudiant? Mohamed, naam, ana talibun jadidun. Hamidun, min aina anta, d'où tu es? Mohamed yakul, ana min al-Hind, je suis de l'Inde. Hamid yakul, masmuka, comment tu t'appelles? Quel est ton nom? Mohamed yakul, ismi Mohamed, mon nom est Mohamed, ou je m'appelle Mohamed. Et là on voit le lien mutakallim. La هنا حامد ومن الفتى ومن هذا الفتى الذي معك كي يتجن قفون كي يتلتوا celui qui est avec toi. محمد يقول وزميلي في مكمعد. حامد يقول هو أيضا من الهند est-il également de l'Inde. محمد لا هو من اليابان non il est du Japon. حامد يقول ما اسمه. Là, on voit encore Damir Moutassil. Quel est son nom? Mohamed Yakul, il s'appelle Hamza. Son nom est Hamza, il s'appelle Hamza. Hamidun, Malouratuka, il y a Mohamed. Quelle est ta langue, il y a Mohamed? Mohamed Yakul, Lorati, El Urdiya. Ma langue est. Comment on dit l'ourdou en français? Urdu pareil. Ouais. Ma langue est l'ourdou, c'est la langue de l'Inde. Hamid Yakul, هي لغة سهلة est-elle une langue facile? محمد يقول نعم هي لغة سهلة. Oui, c'est une langue facile. حامد وحمزة ما لغته؟ Et حمزة quelle est sa langue? محمد يقول لغته اليابانية وهي لغة صعبة. Sa langue est le japonais et c'est une langue dure, difficile. حامد أين أبوك يا محمد? Où est ton père? Oh محمد. Mohamed il dit Abi fil Kuwait wa wa tabibun shahirun. Mon père est au Koweït et c'est un grand médecin très célèbre. Hamidun wa aina ummuk? Et où est ta mère? Mohamed yakul ya aidan fil Kuwait ma abi ya mudarrisatun hunaka. Elle est également là-bas au Koweït avec mon père et elle est une enseignante. Hamidun yakul adhahabta il Kuwait? Donc là on a pris الذهبت à la base c'était ذهب. طيب nous on a toujours pris ce verbe mandi avec une seule personne c'est هو ذهب هو. طيب maintenant il est venu avec un autre sujet c'est le تا وعليكم et ça ce تا là ذهبت c'est un ضمير متصل mais qui s'accroche au verbe donc il a une autre apparence que cela. طيب donc là c'est es-tu allé es-tu parti toi. طيب ذهبت il est au Koweït, il y a Mohamed. Es-tu parti au Koweït, au Mohamed? Mohamed, wa alaykoum salam. Naam, zahab tu. Donc là, le tout, c'est un autre domir. Voyez, c'est un domir pour mutakallim. C'est je. Oui, je suis allé. Voyez. Donc zahab ta, c'est tu es allé. Zahab tu, je suis allé. Zahab ta, c'est anta. C'est anta, non. Ça vient anta. Zahab tu, ça vient ana. Ça c'est le damir muttasil avec le fial, avec le verbe. Là on a pris juste ceux qui s'accrochent au nom. Non, zahabtu. Hamidun. Wa zamiluka aina abuhu. Et ton camarade, où est son père? Mohamed, abuhu fil yaban wa tajirun kabirun. Mohamed, son père est au Japon et c'est un grand commerçant. Hamidun, alaka akhun ya Muhammadun, as-tu un frère au Muhammad? Muhammad, naam, li akhun wahidun, ismuhu Usama, wa wa ma'i huna fi al-madinati Munawwara. On dit plutôt al-Nabawiyya, comme on avait dit. Wa li ukhtun wahidatun ismuha Zainab wa hiya fi al-Iraq ma'a zawjiha wa zawjuha muhandisun. Il dit oui, j'ai un seul frère, il s'appelle Usama. Il est avec moi là-bas, ici, à Médine. Et j'ai également une sœur, enfin plutôt également, j'ai une sœur, une seule sœur, qui s'appelle Zainab. Elle est en Irak avec son mari. Et son mari est un ingénieur. Hamidun. Eh, indaka sayyaratun ya akhi. As-tu une voiture, oh mon frère? Mohamed, la. Ma'indi sayyaratun. Indi darajatun. Hamzatu indaw sayyara. Il dit non, je n'ai pas de voiture, mais j'ai un vélo. Hamza a une voiture. Ma femme, il y a des mots. Ça c'est quoi, il y a quoi comme, c'est quoi comme une arabe? Où ça? Quand j'accroche. Quand t'accroches quoi? Wahidun ismuhu. Je dis wahidun ismuhu. Wahidun ismuhu. Wahidun. Ouais, y a pas l'exemple. Naam li akhun wahidun. Khalas, ça c'est une phrase. Li akhun wahidun, ça c'est une phrase, elle s'arrête là. Mufida. Après ismuhu ou sama, ça c'est une autre phrase. Non, si je raccorde wahidun, le wahidun ismuhu. Tu peux pas. C'est une autre phrase. Ça fait pas une jumba mufida à ce moment-là. Là, tu as une phrase. Li akhun wahidun. Ça, c'est une jumla mufida. Ouais. Li, ouais, c'est khabar mukaddam. Wahun. Si je veux continuer, je dis li wahidun. Tu peux pas continuer. C'est comme si tu dis, je vais où? Tu t'arrêtes. C'est pas une phrase mufida. Tu peux pas faire ni'alab comme ça. Je m'arrête pas ismou, je m'arrête à Muhammad. Bah, c'est deux phrases que tu as. T'en as pas une seule là. Ouais, mais la liaison, moi, je te parle. C'est la liaison que. Ça change rien à l'Irlab. Non, je veux savoir ce que c'est. C'est-à-dire la liaison. Quelle liaison? Le Wahidun Ismuhu. Wahidun Ismuhu? Ouais. Il y en a un, son nom est. Et là, t'as coupé. En milieu de phrase. Je dis Wahidun Ismuhu, Mohamed. Vous voyez? Ouais. Wahidun Ismuhu. C'est juste le Wahidun. Wahidun, c'est Mumtada. Non, non, c'est la liaison que je veux savoir, moi. Avec quoi? Avec Wahidun et Ismuhu. Ah, comment tu le prononces? Ouais. Ça fait comme dans ta jouit, tu vas dire Wahidun Ismuhu. Voilà. Allez, voilà. Quand t'as un tanouin et après t'as un hamzat al-waf, tu mets le kasra. Wahidun Ismuhu. Vous voyez? Non. Je crois que tu veux dire la liaison comme on fait l'Irlab. Là, je ne comprenais pas. Pas bien. Donc il n'y a pas de mot nouveau, tout est passé. Il n'y a pas de mot ailleurs. Ouais. Juste, on va faire un tambi sur quoi? Sur le fi'l zahaba. Vous voyez, zahaba. Comme on a dit, ça fait le mardi. Vous voyez, quand on dit zahaba, c'est. On a dit, c'était quoi le sujet? Le fi'l, le fa'il, c'est huwa. C'est un damir, ce qu'on appelle mustatir, qui est dissimulé, sous-entendu. Vous voyez? Donc maintenant, on a appris comment conjuguer ce verbe avec je ou avec tu. Avec ana ou anta. Tu dis ana zahabtu. Je suis allé. Ou j'ai été. Vous voyez? Ou anta zahabta. Vous voyez? Anta zahabta. Et ainsi de suite. Après, au fur et à mesure des verbes qui vont arriver, il va dire comment conjuguer ce verbe avec les autres d'ailleurs. Donc là, aujourd'hui, on a appris ana. Ou anta, avec le fiel mardi, pas le mudawariya. On n'a pas pris le présent, hein, c'est tout le temps le passé. Vous voyez, c'est tout le temps le passé. Maintenant, quelqu'un peut demander quelle est la différence entre li akhun ou indi akhun. De ce que j'ai appris moi, c'est que quand tu parles, quand tu veux te lier à un être humain, mon frère, un frère ou une mère ou un père, tu dis pas Hindi Akhun. En vrai, on dit pas Hindi Akhun, tu dis Li Akhun. Vous voyez? Et pour les objets ou les choses inanimées, tu vas dire Hindi Sayyara, Hindi Kaza. Aujourd'hui, les gens disent tous Hindi Akh, Hindi Kaza. Mais le sahih, c'est Li Akh. Vous voyez? Li Ab, Li ainsi de suite. Li Sahibun. Un Hindaka, c'est plutôt pour les objets. Mais bon, maintenant, tu dis Hindi Akh. Il n'y a personne qui va te sauter dessus et dire ouais, mais il y a jour, que tu te calmes, que là. Mais l'origine, quand tu parles vraiment bien, tu verras que même dans les. Oui, c'était pour une possession qui est, comme on dit entre guillemets, éternelle. C'est-à-dire que c'est à toi, c'est toujours à toi. Et on employait Ainda pour dire, par exemple, ce que tu as, c'est soit ce que tu as, mais par exemple, en ce moment. C'est-à-dire, moi, si tu, par exemple, tu fais un foot, et tu as le ballon à ce moment-là, hein? Là, on dirait Ainda. Tu l'as, mais c'est pas. Le ballon il peut être à quelqu'un. Il peut être à quelqu'un d'autre, mais en ce moment tu l'as. Bien sûr. On dirait Inda. Parce qu'il y a des objets que tu vas avoir pour toi tout le temps, et pourtant on dirait Indi. Ouais. Ouais. Si il avait son ballon, il dirait Li. Mais là il l'a, genre il l'a. Ça, je sais pas, parce que même dans les hadiths, c'est venu Indi sur des objets, des choses qui étaient en appartenance. Ah, énorme. Tu vois. والله أعلم بعض وعطاء. ما الفرق زوجها وزوجها؟ نفس اللي يعلم زوجها اللي مرفوع زوجها اللي مشهور. C'est lire l'homme qui change. Non. Moi j'ai pas entendu ça, et même en apparence, apparemment il y a des choses qui contredirait cette parole-là. Non, c'est ce qu'on m'avait dit. Tu vois, il y a des bugs, des hadiths ou des ayats qui pourraient contredire cette. Non, mais tout simple, si l'eau là elle est à toi, tu lui donnes la vie devant, elle est à toi. Par contre, ça va rentrer entre un autre dof, entre Indi et la Deïa. Ça rentre là-dedans. La Deïa Kaza, c'est une chose que tu as maintenant avec toi. Et Indi, c'est une chose que tu as, mais peut-être à la maison. Ama li kaza ou indi kaza, de ce que j'ai appris, c'est que li, c'est pour un être vivant, ou un, on va dire ton frère, et indi, c'est pour les objets. Tu vois. Mais il faudrait plus de temps là-dessus. Bon. Donc, le ajibon asil al-atiya, l'exercice 1, ça c'est pour. Vous devez répondre aux questions, et elles sont basées sur le texte. Donc, c'est pour Raden, Inch'Allah. Les réponses sont dans le texte. Il dit dans fil folor fi mayali ad damir ou ha. Donc là vous mettez damir ou muzakkar mufrad muttasil ou muannas mufrad muttasil. Maasi zarf al makan. Zarf al makan. Non. Et après il vient quasiment tout le temps avec. À la maison c'est ça. Non, ça maintenant je mets dans le deux. Non. Hadhihi al bintu talibatun. Ismu Zainabu. Comment tu vas dire Mme Kader? Smuha. ثانيا محمد طبيب وابن مهندس كيف تقول محمد وعليكم السلام ورحمه الله وابنه نعم مهندسا ثالثا هذا الرجل تاجر كبير عبد الله نعم اسمه عبد الله آمنة في الغرفة وأم في المطبخ أمها نعم أنا أقول محمد في البيت وأمه في المطبخ قصاعدية مذكر عائشة طبيبة وأخت أم ممرضة أختها طيب ثالثا لا أصلحك الله كتاب علمي هذا ما يجوز خرج محمد من الفصل وخرج معه زميل نعم ولا معه سيابك لي إما كما ندي سنظر مكان طيب فليا أذك Et il y a quasiment tout le temps Moudaf avec un Moudaf Ilayhi. Ma'ahu, Ma'aka, Ma'i. Ma'a, c'est Ma'a, c'est Moudaf. Et le Ilayhi, c'est où Ma'a. Moudaf Ilayhi, c'est où non. Et Zamil, c'est Moudaf. Et où aussi Moudaf Ilayhi. Et où Zamil, où Nam. Moudaf Nam. Ou Alaha, Moudaf Ilayhi. Nam. Et là, face les. Kharaja Fial. Où ça? Non, Kharaja Mohamed Jum, c'est Fa'il. Min? Ah, Jar. Il est où le Mubtada ici? Ou ma fille? Là, où il y a fait. On va le prendre maintenant, Inch'Allah. طيب إدي ثالثا هاتي خمسة أمثلة وأجوبة كمثال الآتي لو ذا بن كيسيو إن ريبونس إيه عندك قلمون نعم عندي قلمون donc que vous veniez avec 5 questions et 5 réponses dans l'exemple de ce qui a été exposé là dans le texte donc avec A أيوة عندك كذا نعم عندي كذا ولا ما عندي كذا donc là l'isbat c'est نعم عندي طيب الإثبات الأفيرماسيون سي نعم عندي أمالو سي كو ها ماذا أمالو تأمل أين تأمل إلو تأمل سي مديت ريفليشي ها سي مديت ريفليشي نعم مديتي ريفليشي نعم دونك لا سي الأفيرماسيون أتو سيل شوز وي جو لا Ensuite, il dit Hat khamsa as'ila wa ajwiba kal misal al-ati. عندك قلمون لا ما عندي قلمون. Donc là maintenant c'est une nafi, négation. Donc comment tu fais une négation avec عندي? ما عندي. طيب ما عندي كذا. Tu dis pas لا عندي, tu dis ما عندي. ما عندي كذا. J'ai pas. Telle chose. طيب ما avec ما. Le لا en fait au début c'est la réponse de la question est et ما c'est le fait de dire je n'ai pas cette chose là. طيب non, je n'ai pas ça. Ce serait pareil. Le 3 et le 4 fil bait. Après il dit ta amel mayali, analyse qui arrive. Là il vient ce qu'on a pris là comme exemple du damir et muttasil. Vous voyez du damir muttasil pour que tu comprennes. Là il est en train de juste d'éclaircir ce qu'on a pris là, damir muttasil. Par exemple il dit baitun. Vous voyez baitun tout seul. Si tu veux que ta maison à toi, tu vas dire Beiti. Vous voyez la, sa maison, ta maison à toi. Comment tu vas dire à lui. Ta maison à toi. Ma maison. Comment tu dis ta maison à toi à quelqu'un? Beituka. Comment tu dis sa maison à lui? Et comment tu dis sa maison à elle? Et comment tu dis sa maison à toi à une femme? Toi tu dis ça à une femme, ta maison à toi. Beituki. Bah, c'est ça qu'il avait, vous l'expliquez là. Et le ma, en fait, ta amala ma yal. Mais il a pas mis. Qui arrive il a qui est là, c'est exposé. Il a mis que Mouzakar, je crois. Non, mais il a mis, non, il a mis Beitouha. Tayeb, il a mis Beitouha. Tayeb, donc là, par rapport à ce vers-là, on va s'arrêter ici. On va faire un autre tambi. Une question que vous répétez souvent, c'est un truc qu'on va prendre maintenant. C'est des fois les phrases vous dites où est le mubtada. Donc, à savoir que en langue arabe, les phrases, les jumelles, jumla, c'est mon phrase des jumelles, c'est le jam, elles sont de deux catégories. La jumla et la kismain. Hein? Il y en a quand même. J'allais l'accuser. Je vais dire Enta. Khaftao. Toyeb. Elle joue là. Alors, quand je suis ça, c'est Akismen, tu vois, deux catégories, c'est pour raccourcir. Première, Al-Jumla, Al-Ismiya. Vous voyez Yallati tabda bi-ism. Et had al-ism, mahu, ce nom, c'est celle qui commence par un nom. Eux, ils disent une phrase nominale. Vous voyez c'est celle qui commence par un nom. Ce nom, c'est quoi? Première lobe, c'est un Muntada. هي التي تبدا باسم طيب وهو المبتدا وهو مبتدا مثلا محمد طالب العلم طالب علم la deuxième الجملة الفعلية الفعلية هي التي تبدأ بفعل طيب هي التي تبدأ بفعل مثلا ذهب محمد ذهب محمد دونك لا فاسم جملة فعلية كما تصنع فعل لا جملة فعلية n'y a pas de mubtada. Elle commence par un verbe. Et après, elle a un fa'il. Vous voyez ? Elle a un fi'l et ensuite un fa'il. Zahaba, fi'l, Mohammedun, fa'il. Fakat. Donc, quand on voit une vidéo match à l'IA, ne demandez pas le mubtada. Il n'y en a pas. D'accord ? Nous, en français, on n'a pas de vidéo match à l'IA, à part dans les questions. Peut-être. Sinon, on n'a pas de phrase qui commence par un verbe. De phrase qui commence par un verbe en général, en langue française. Directement par le verbe. À part quand tu as des formes spéciales. À part les questions « es-tu, Kaza ?» Ma salane. Là où quand tu ironises ou quand des formes dans le style de... Par exemple ? Répondrais-je pas. Mais en fait c'est ça accroché à ce qui vient avant, je pense. Ouais, mais souvent. Tu peux commencer. Ouais, tu vois, c'est un lien qui est avant. Là, après, là, tu peux venir directement sans aucun lien avec une fille à. Par contre, dans les questions, on peut dire es-tu Kaza ? Es-tu allé à tel endroit ? Mais sinon, il y a du mal de faire lier chez nous, il n'y en a quasiment pas. Mais à Poumala, ça c'est important parce qu'il va venir pour pouvoir distinguer entre les phrases, celle qui a un mutada et celle qui a un fiel, un fiel. Et des fois, tu peux mélanger les deux. Par exemple, la Jumma fait lier à Petin Khabar. Ça, tu dis Mohammedun, Zahaba, Yelbeit. Mohammedun, mutada, et Zahaba, avec le Damir qui est Mustatir, c'est ça le Khabar. Ça viendra après, Inch'Allah. Vous voyez ? On a un intérêt bien là. Si vous voulez l'écrire, c'est votre dolo. Et après ça, une question par rapport à ça ? Là, c'est ma faune. Donc aujourd'hui, on a pris les Damir. On a pris le Damir El-Munfasil, celui qui est isolé, détaché, comme Ana, le Mutakallim, wa Anta, wa Anti, le Mukhatab, wa Huwa, wa Hayel, le Ghaib. Et on a pris Damir. El Muttasil, c'est celui qui est attaché. Vous voyez ? Celui qui avait un ana, c'est I, Ya Mutakallim, Kitabi, mon livre à moi. Vous voyez ? Kitabi. Et celui-là, il est mixte. Une femme va dire Kitabi, et un homme va dire Kitabi. Après, on a pris Damir Muttasil Raib, Kitabuhu, son livre à lui. Muzakkar, le masculin. Vous voyez ? Mufrad, singulier. Kitabuha. Vous voyez ? Kitabuha, ça c'est pourquoi ? Pour le mu'annas, féminin, singulier, mufrad. Et pour le mukhatab, ton livre à toi, kitabuka. Vous voyez, ça c'est pour le muzakkar, mufrad. Et kitabuki, mu'annas, mufrad. On a pris quoi aussi ? On a pris le deux damaïr, muttasila, avec le fi'al, avec le verbe. Zahabta, toi tu es allé. Et zahabtu, moi je suis allé. Vous voyez ? On a pris un zarf, un nouveau zarf, c'est ma'a, qui veut dire avec. Donc tu vas dire ma'aka avec toi, ma'i avec moi, ma'ou avec lui, ainsi de suite. Donc voilà. Walhamdulillah Rabbil Alameen.